Taxi d'émeute, voudrais qu'on m'arrête. Viens dans la pointe, on peut être connu comme la gringuette. Ça coupe des barrettes, vers la fumée, ça guette. Ça raté à face, c'est que ça s'appelle, ça se me guette. Et oui, faut qu'on m'aide, pourquoi ils rigolent. Devant ma tête, ça sort, c'est des M vole. Je finis seul sur le quatrième. J'ai des verres avec une liste, même plus comment elle s'appelle. J'aurai toujours quelque chose à dire. Marseille, c'est chaud, ça fera qu'à dire. Profite, sauf de mes humeurs, petit, on ne sait pas. Et que le monde sait qu'il est policier, on ne sait pas. Dors avec mon shit et mon Beretta. Je vous le dis, je suis toujours anti-État. Je dors avec mon shit et mon Beretta. Je vous le dis, je suis toujours anti-État. Fumette, fumette, pas mal que fumette, fumette, fumette. Je suis dans ma folie, je donne un bébé. Mais je brosse la copine, oui je brosse la copine. Oui tout le détourné, à fond dans le poli. Pour mes alcooliques, pour mes alcooliques. Mais tu en connais, non mais sans déconner. J'aurai toujours quelque chose à dire. Marseille c'est chaud, ça braque, ça tire. Profite sauf de mes humeurs, petit on ne sait pas. Et que le monde sait qu'il est policier, on ne sait pas. Je dors avec mon shit et mon Beretta. Je vous le dis, je suis toujours anti-État. Je dors avec mon shit et mon Beretta. Je vous le dis, je suis toujours anti-État. Je dors avec mon shit et mon Beretta. Je vous le dis, je suis toujours anti-État. Je dors avec mon shit et mon Beretta. Je vous le dis, je suis toujours anti-État. Ma folie, c'est un air d'être. Mais je vois ta copine, je vois ta